ma vie d'antirude. Mes pieds s'enfoncent dans le sable, mon corps et mon âme oubliées s'abandonnent à la mer, à ses vagues et ses caresses immobiles et sans peur. Je laisse mourir mon esprit et mon cœur sur ces flots à la dérive. J'attends ton corps pour échouer sur ces rives. Yeah.